Anonyme, balance un son. Let's go, my friend. 40 peut-être temps. C'est bon. Le 32, c'est bon. Yes, everybody. Drum. I'll run is okay. Sur le... Ah merde. sentido mai. Salut, allô, vas-y. Vas-y, allô. It's okay. Dirty, play. No, it's good. Turn up. My tuner say it's okay. Play a little. With your piano. Joue avec ton piano. Mais tu es français, je crois, allô. Non, tu es français, allô. Allô, tu es français. Allô. Allez. Salam alaikum. Salam alaikum. Vas-y. You want drum or not? Salut. Someone play drum or not?